rigole, c'est rouge, son veste, c'est pas le faire. Son ciel, c'est son enfance, son oublié charme. Mais s'il refuse son passé, il ne peut l'assumer. Sans venger l'enfant trop longtemps oublié. À l'heure tard, la souffrance ajoute à son arc un brin d'élégance. Il s'engage même en politique. Il veut flammer ses idées en public. Alain sert la mafia, voiture noire, trop de vodka. Il aime les fêtes autant d'entre eux que c'est net. Mais s'il s'est fait des ennemis, leurs fêtes sont mises à prix. Ceux qui n'adhèrent pas sont rayés de la partie. Alors une arme d'indifférence lorsqu'il a recours à l'ultime sentence. Mais que peut-il nous avoir fait de pire maintenant qu'il règne en maître sur son empire. J'ai l'enfant, il appelle l'enfant. Trop longtemps oublié. Trop longtemps oublié. Trop longtemps oublié. Trop longtemps oublié.